بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue l'explication des annulations d'islam. شرح نواقض الإسلام. On est arrivé à la quatrième annulation d'islam. قال الشيخ رحمه الله تعالى الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. La quatrième annulation de l'islam, celui qui croit qu'une autre guidée que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète, ou qui croit que le jugement d'un autre que lui est meilleur que son jugement. Donc celui qui croit qu'une guidée autre que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure, ou qui croit que le jugement d'un autre que lui sallallahu alayhi wa sallam est meilleur. Après il donne un exemple. كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Comme celui qui préfère le jugement des tawarites à son jugement, celui-là est كافر. الشرح من اعتقد أن مجرد اعتقاد فقط من اعتقد أي مجرد اعتقاد فقط بدون فعل أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان أكمل من هدي صلى الله عليه وسلم فهو كافر فكيف إذا فعل ذلك وطبق هدي أهل الضلال والهدي معناه الطريقة والسيرة فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من سيرة كل أحد وطريقته أكبر من طريقة كل أحد ويدخل في هديه سننه وأخلاقه ونحو ذلك فهو صلى الله عليه وسلم الذروة العليا في كمال الهدي والسيرة فمن اعتقد أن هناك من هو أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر جاهل خبيث أضل من حمار أهله. Celui qui croit, simplement croire, c'est-à-dire sans acte, qu'une autre guidée que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle qu'elle soit, est meilleure que sa guidée, cette personne-là c'est un kafir. Simplement croire. Que dire alors de celui qui croit, qui fait, qui applique une autre guidée que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est le premier aspect, Al-Hadi. Al-Hadi, c'est quoi cette tariqa? La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce que ça concerne. C'est la première chose qu'il a cité le cheikh dans cette annulation d'islam. Et ensuite, il a dit, وَأَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ. Et que le jugement d'un autre que lui est meilleur que son jugement. مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِ مُجَرَّدِ اعْتِقَادٍ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ كَافِرٌ شَامٌ أَبَى كالذي يفضل حكم الطواغيت لعنهم الله تعالى على حكمه فهو كافر بلا شك فمن اعتقد أن حكم أحد من البشر كائنا من كان أحسن من حكم المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية كمن يفضل القوانين الوضعية على حكم الله ورسوله فهو كافر. Celui qui croit, simplement croit, sans acte, que le jugement d'un autre que lui est meilleur que son jugement. Cette personne-là, il est kafir. Comme celui qui préfère le jugement des tawarites sur son jugement. C'est un kafir sans aucun doute. Celui qui croit que le jugement d'un homme, quel qu'il soit, est meilleur que le jugement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne prononce rien sous l'effet de la passion et qui ne fait que recevoir une révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ceci c'est du kofr majeur et cela le fait sortir de la religion, comme ceux qui préfèrent les qawanim wad'iyya, les lois forgées, hein, sur le jugement d'Allah et de son messager, celui-là c'est un kafir. Ici ça nous montre plusieurs choses, cette annulation d'islam. Ça nous montre la mécréance de toute personne qui est laïque, qui participe ou qui est laïque, qui accepte la laïcité, hein. Etiqad ici, qui se dit laïque, qui dit voilà laïque. C'est quoi la laïcité, qu'on appelle en arabe l'ilmaniya, injustement, العلمانية ça vient de l'ilm, alors que ça c'est al-jahiliya. العلمانية c'est quoi? C'est فصل الدين عن الدولة ou فصل الدين عن السياسة. Le fait de séparer entre le din d'un côté et la politique d'autre part. Donc toute personne qui fait ça, il a préféré le jugement d'un autre qu'Allah au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, comme il dit Allah Azza wa Jal, أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Croyez-vous une partie du livre et est-ce que vous m'y croyez en une autre partie? Parce que le fait d'accepter la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la salat, dans la zakat, dans le siyam, et de refuser la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'économie, par exemple, dans l'interdiction de la riba, de l'usure et du prêt à intérêt, ou de refuser la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait que l'homme il a le droit de se marier avec quatre femmes, ou refuser la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de dire que l'homme a ou que la femme pardon a la moitié de l'héritage de l'homme, ou le fait de refuser que la peine d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'apostat ou l'homosexuel ou l'adultère, c'est la peine de mort. Toutes ces choses là celui qui refuse ça, c'est un kafir. Al-ilmaniya, c'est du kufr. Toute personne qui rentre dans un parti, كل منتسب إلى حزب علماني أو شيوعي أو اشتراكي أو ديمقراطي فهو كافر. فهو كافر وهو من طائفة الرده. Toute personne qui rentre dans un parti laïque, communiste, socialiste, nationaliste, démocratique, que sais-je, c'est un kafir. قولا واحدا. Il est rentré dans un autre dîn que le dîn de l'islam. Et il a préféré le jugement du Tahout au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui a sa carte au Parti Socialiste, à l'UMP en France, au Parti laïque, au FLN en Algérie, à l'Istiqlal au Maroc, que sais-je, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, le NPA, je sais pas quoi, le Front National, toute personne qui a ça est un kafir. C'est un kafir. وهو كافر من جهتين من جهة أنه أشرك بالله في حكمه وأنه تولى الكافرين من دون المؤمنين فهو كافر من جهة الحكم ومن جهة الولاء والبراء. La personne qui rentre dans ces parties-là, il est kafir de deux aspects. Le premier, car il a associé Allah subhanahu wa ta'ala dans le jugement et la législation. Il a renié le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième, dans le fait qu'il a pris pour allié les kuffars en dehors des croyants. On a déjà vu à la fin de l'usul al-thalatha, et ça fait partie des grandes, on va dire, des grandes formes à notre époque du fait de préférer le jugement d'un autre qu'Allah au jugement d'Allah, qui est bien sûr la participation à la démocratie. Le fait de se présenter aux élections ou le fait de voter dans des élections démocratiques. Et c'est une des manières de préférer le jugement du Tarot au jugement d'Allah. Il y en a d'autres. Le fait, par exemple, de revenir en cas de désaccord au tribunaux de la mécréance. Revenir en cas de désaccord au tribunaux de la mécréance. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Nisa, أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ زَعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ويريد الشيطان وأن يضلهم ضلالا بعيدا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ceux qui a descendu, à ceux qui a été descendu sur toi et à ceux qui a été descendu avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarot alors qu'on leur a ordonné de mécroire en lui. Et le shaitan veut les égarer d'un égarement lointain. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا إنكار من الله عز وجل على ما يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit, Ibn Kathir, rahimahullah, à propos de ce verset, il dit ceci, c'est un reproche qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal fait à ceux qui prétendent avoir la foi en ce qu'il a révélé et à ce qu'il a révélé à son messager et au prophète avant lui. Et avec cette prétention d'avoir la foi, il veut prendre le jugement dans le fait de trancher dans les désaccords à un autre que le livre d'Allah et que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha huwa at-tahakum. At-tahakum huwa at-tahakum fi fasl al-khusumat ila ghayri kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de prendre le jugement Bah, le fait de trancher un désaccord envers un autre que le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, kadzabahum Allah ta'ala, il a démenti leur foi. Il a démenti leur foi, ceux qui ont prétendu faire une telle chose. Comme il a dit le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نفتح المجيد فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع رقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون بنفي إيمانهم فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها يحقق هذا قوله وقد أمنوا أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة فإن لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال. Ibn Abdurrahman Hassan, il dit, toute personne qui s'oppose à l'ordre d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui juge entre les gens avec autre chose que ce qu'Allah a révélé, ou qui demande ce jugement en suivant ses passions, cette personne-là, il a littéralement enlevé le collier de l'islam de son cou. C'est-à-dire, il est sorti de l'islam. Même s'il prétend qu'il est croyant. Car Allah subhanahu wa ta'ala a reproché à ceux qui veulent cela, et il les a démentis dans leur prétention qu'ils ont la foi. Quand il a dit Yazumun, ils prétendent, ça signifie qu'il a nié leur iman. D'accord? Et ensuite il dit plus tard, wa dhalika anna at-tahakuma ila at-taghut imanun bihi. Car le fait de prendre pour juge le taghut, c'est avoir foi en lui. Ça s'oppose à quoi? À la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans Fath al-Majid à la page 369 de l'édition d'Al ibn Hazm. Il est donc interdit, plus qu'interdit, à la personne de revenir en cas de désaccord vers les tribunaux de la mécréance. Ça signifie simplement porter plainte comme une personne, faire un procès à une personne dans un cas comme ça. Et Allah, il a nié la foi de celui qui fait une telle chose. Même pour la dunya, le Cheikh Sulaiman ibn Sahman, rahimahullah ta'ala, il dit dans un épître qui est consacré au Tawhid, إني رحمه الله تعالى المقام الثالث أن نقول إذا كان هذا التحاكم كفرا والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك فإنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها ولو اضطرك مضطر وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد يديه الشيخ سليمان بن سحمان dans Durar al-Saniya, le volume 10, à la page 510-511, il dit, si nous disons que le tahakum, le fait de demander le jugement, est de la mécréance, et que le désaccord ici, c'est-à-dire l'affaire qui t'amène à demander le jugement du taghout, c'est pour de la dunya, pour de la vie d'ici-bas. Comment te serait-il permis de mécroire pour cela, c'est-à-dire pour de la dunya? Car la personne n'a pas la foi tant que Allah et son messager sont plus chers pour lui que tout, et que son messager est plus aimé pour lui que toute chose, que son enfant, que son père et que tous les hommes. Si toute ta dunya, toute ta vie d'ici-bas devait être perdue, il ne serait pas permis pour toi de demander le jugement du Tawhid pour cela. Et si une personne te forçait ou te donnait le choix en te disant soit tu prends le jugement du Tawhid ou tu dépenses toute ta dunya, tout est bien de ce bas monde, il serait obligatoire pour toi de dépenser. Et il ne serait pas permis pour toi de prendre le jugement du Tawhid. Wallahu a'lam. Ça, c'est Ibn Sahman, un des savants du Najd, Ibn al-Mutakhirin, qui a dit cela dans Dora al-Saniya, le volume 10, à page 710-511. Et Sa'di, il dit dans son tafsir, dans le tafsir du verset, sourate An-Nisa, وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ, alors qu'on leur a ordonné de mécroire en lui, alors de mécroire au Tawud. فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ هَذَا وَالْإِيمَانِ فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَقْتَضِي الْإِنْقِيَادُ لِشَرْعِ اللَّهِ وَتَحْكِيمِ فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَاخْتَارَ حُكْمَ الطَّاغُوتِ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَهُوَ كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ وَهَذَا مِنْ إِضْلَالِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُمْ. Il dit, comment le fait de prendre le jugement du Tarot, c'est-à-dire, et la foi, peuvent-ils se rassembler? Car la foi, ça implique le fait de se soumettre à la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de juger avec elle dans toute chose, dans toute chose. Celui qui prétend être un croyant et qui préfère le jugement du Tarot sur le jugement d'Allah, c'est un menteur. Et cela vient de l'égarement du shaitan, que le shaitan l'a égaré. C'est dans Tafsir al-Sa'di, à la page 174, l'édition d'Ar ibn Hazm. Donc ici, on apprend plusieurs choses. Comme quoi, le tahakum, le fait de prendre le jugement, c'est une ibad, c'est une adoration que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tahakum ibad. Et le fait de donner cette ibad à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. D'accord? Donc le fait, au lieu de revenir vers le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en cas de désaccord, de venir au jugement du tahout, tout ça, c'est du shirk akbar. Tout le reste n'est que philosophie. Tout le reste n'est que sophisme. Sophisme. Tout le reste n'est que philosophie. Vous avez le verset. Ce verset, il est muhkam. Il est clair. Il fait partie des versets clairs. Il n'est pas du tout équivoque. Dans les paroles des ulama, Ibn Kathir, cherchez les autres comme Fassirin, si vous voulez. Sa'di. Les paroles des imams du Tawhid. Comme disaient les Mutadda'un Najdi, les savants du Najd. Je ne vais pas vous citer deux, mais il y en a d'autres. En fait, Al-Majid et Abdur al-Saniya. Il n'est pas permis de faire cela que pour la dunya. Essentiel, le muslim, la yarda yahkumuhu kafir, ou yahkumuhu hukmu ta'ghut, la yarda. Il ne peut pas accepter le muslim que le mécréant le gouverne ou le juge avec ses lois, et il ne peut pas accepter que la loi du ta'ghut soit appliquée sur lui. السبيل هو الهجرة في سبيل الله تعالى. Le seul moyen ou la seule réponse, c'est l'hijra vers une terre qui n'est pas jugée par le jugement du Tawhid, nasallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam. Le crime en avis. En ce qui concerne la mécréance des gouverneurs qui appliquent une autre loi que la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, je renvoie au durus sur l'usul al-thalatha, vous étiez tous présents. Et sur, pareil, sur le jugement de la démocratie et du vote, à la fin de l'usul al-thalatha. Wallahu a'lam. الناقد الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السنكيام annulation de l'islam, celui qui déteste une chose avec laquelle le prophète est venu صلى الله عليه وسلم, même s'il l'applique, il a mécru. Non? Celui qui déteste une chose avec laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu, même s'il l'applique, il a mécru. والدليل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سورة محمد. Ceci, car ils ont détesté ce qu'Allah a révélé, et Allah a annulé leurs actions. وَالْحْبَاتُ وَحُبُوتُ الْعَمَلُ في القرآن دَلِيلٌ عَلَى الْكُفْرِ وَيَقْتَضِي الْكُفْرَ الْأَكْبَرُ. Parce qu'Allah dit, il annule leurs actes, on a déjà vu cette règle, cela signifie le kufr al-akbar. Elle a été citée par Sheikh Taqiyuddin, Ibn Taymiyyah, rahmatullah. وهذا الناقد أيضا من أنواع النفاق الاعتقادي التي صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار كما يأتي في ذكر النفاق. ومن أبغض فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن من باب أولى, كمن يبغض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يبغض أهله لأجله لا لشيء آخر أو غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة فهو كافر. وقوله ولو عمل به كفر, وهذا أشد وأعظم، أي ولو كان عاملا بما يبغضه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه ذلك، كمثل من يبغض السنة سنية إعفاء اللحية وهو يعفيها فأكون كافرا والعياذ بالله، لأن البغض ونحوه شيء كامن في القلب لا حيلة فيه، نسأل الله العافية. كما يبغض ويكره تحريم الربا والزنا والغنى ونحو ذلك، ولو كان لا يفعلها فهو كافر. وجميع ما جاء به الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من تلقاء نفسه، بل هو وحي يوحى. Cette annulation de l'islam, c'est une sorte d'hypocrisie en fait. Le fait de détester quelque chose qu'Allah a révélé, c'est une forme d'hypocrisie majeure. Le nifaq, l'i'tiqad, l'hypocrisie dans la croyance, l'hypocrisie majeure. Et les gens, les hypocrites, ceux qui ont de l'hypocrisie majeure, ils sont dans les plus bas niveaux de l'enfer. En dessous de qui? En dessous de l'kuffar et de l'mushrikin. Celui qui déteste une chose avec laquelle est venu le messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme celui qui déteste le fait d'ordonner le bien et d'ordonner et d'interdire le mal, qui déteste les gens qui font cela, il ne les déteste pas, par exemple parce qu'il a un problème d'argent avec eux ou quoi que ce soit, mais pour cette chose-là, parce qu'ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Celui qui déteste, c'est un kafir. Même s'il agit selon cela, c'est un kafir. Cela est encore pire. C'est-à-dire que même s'il agit selon ceux qu'il déteste, cela ne lui profitera en rien. Comme par exemple celui qui a une barbe, mais qui déteste, qui est dans son cœur, le fait que ça soit sunnah d'avoir la barbe. Hein? Comme celui qui déteste le fait que l'usure et le prêt à intérêt soient interdits, ou que la fornication et l'adultère soient interdits, ou que la musique soit interdite. Celui qui déteste cela, même s'il s'abstient de ces choses-là, il est un kafir, on y a de gré. ولكن لا يلزم مما تقدم أن من ارتكب معصية أو كبيرة يكون مبغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيستحق هذا الحكم، فهو إلزام باطل، فليس كل من فعل منهيا عنه أو ترك مأمورا به يكون مبغضا، بل قد يكون عن جهل أو تساهل أو غرور أو غلبة شهوة أو كسل أو شبهة أو نحو ذلك، فقد يكون عند مرتكب الكبيرة من الإيمان والاعتراف والانكسار والخوف والرجاء لرحمة الله تعالى والطمع في مغفرته ما ليس عند تاركها، كمن ممن قد يعتريه عجب أو اغترار بعمله ووثوق بسعيه وازدراء لغيره ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ça sort de la méfiance, ça n'implique pas que nous disons que celui qui fait un péché, parmi les grands péchés, déteste ce qu'Allah a, ce que son messager a révélé. Ça n'implique pas ça du tout. Ça, c'est une implication qui est bâtée là, qui est fausse. Il dit, car ce n'est pas toute personne qui fait une chose interdite, toute personne qui fait une chose interdite ne déteste pas forcément ce qu'Allah a révélé, ce qu'Allah a légiféré. Ça peut être par ignorance, ça peut être par tasahul, par laisser aller, on va dire, ou d'autres choses, paresse, etc., etc. Et il se peut que la personne qui ait fait ce grand péché ait quand même ait la foi, la reconnaissance que cette chose-là est un péché, le fait que quand il le fait, il se sent mal, il se sent coupable envers Allah subhanahu wa ta'ala, il craint le châtiment d'Allah, et il espère sa récompense, et il espère le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يحمل هذا الكلام على التهاون بالمعاصي، بل يجب الحذر منها واجتنابها والتوبة والندم والاستغفار، لأن المعاصي سبب الغضب والعذاب وسوء الخاتمة. Et cela n'implique pas la parole qu'on vient de dire, le fait de dire aux gens que désobéir à Allah ce n'est pas grave. Au contraire, il faut mettre en garde les gens contre la désobéissance à Allah, quelle qu'elle soit, et d'abord le shirk, qui est la plus grande désobéissance envers Allah, subhanahu wa ta'ala, qui annule tous les actes, et la foi au tarot. Mais il faut mettre en garde les gens contre les péchés, il faut les mettre en garde contre la riba, contre la zina, contre le khamr, contre le hashisha. Il faut les mettre en garde contre l'ikhtilat, ou le rina, la mixité et la musique, faut les mettre en garde contre halq al-lihya wa isbal al-thiyab. Il faut les mettre en garde contre le fait de se raser la barbe ou de traîner son vêtement. Il faut les mettre en garde contre le taswir, le fait de faire des images. Il faut les mettre en garde contre tous les péchés. Car les péchés sont la cause de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. Et les péchés sont la cause de sous al-khatima, de la mauvaise fin. C'est-à-dire que de nombreuses personnes qui faisaient des grands péchés et qui étaient pendant leur vie sur le tawhid et qui faisaient la salat, ils ont apostasié au moment de la mort. C'est ce qu'on appelle sous al-khatima. L'ayyad billahi ta'ala. Peut-être qu'on en parlera dans un dars prochain. ثم إنه لا يخفى أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العاصي ومرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يقال إنه بمنزلة بين الإنزاء بين الإسلام والكفر ونحو ذلك من أقوال أهل البدع بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان كما في العقيدة الوسطية ونحوها بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. Il n'est pas caché de vous que la croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a, c'est que la personne qui fait une désobéissance ou qui fait un grand péché n'est pas rendu mécréant. Et nous ne disons pas non plus il est dans une position intermédiaire entre la foi et la mécréance. Non. Ce que nous disons, ça c'est une parole d'innovation, c'est une parole d'innovateur, al-bid'ah, c'est-à-dire al-khawarij et al-mu'tazila. Mais nous disons il est croyant par sa foi, par son tawhid et par sa salat. Et il est pervers par son péché. Ou c'est un croyant dont la foi est faible. Cela, ça a été cité dans l'Aqidat al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam, et il rajoute, et la fraternité de la foi est établie même avec les péchés. C'est-à-dire, même une personne qui fait des péchés, ça reste notre frère dans l'Islam. وصاحب المعاصي إن مات على التوحيد ولم يتب من ذنوبه فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه بعدله على قدر ذنوبه وإن شاء عفى عنه ولم يعذبه ولكن مآله سواء عذب أو لم يعذب إلى الجنة ولا يخلد في النار موحد البتة فتنبه. Nous disons, la personne qui meurt sur les grands péchés ou qui a commis des grands péchés, s'il meurt sur le tawhid, même sans se repentir de son péché, il est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il le châtiera par sa justice, en fonction de son péché, et s'il veut, il lui pardonnera, et il ne le châtiera pas. Et qu'il soit châtié ou pas châtié, à la fin, il ira au paradis. Car le muwahhid ne peut pas demeurer éternellement en enfer. Celui qui est mort sur le tawhid ne peut pas demeurer éternellement en enfer. فهذا الناقد مخوف جدا. فيجب على المسلم الناصح لنفسه الحذر منه وأن يفتش نفسه ما دام على قيد الحياة قبل أن يأتيه الأجل فلا ينفعه حينئذ الندم. فنسأل الله لنا وللمسلمين السلامة. Et cette annulation d'islam est extrêmement dangereuse et fait extrêmement peur au muwahhid. Il est une obligation pour le musulman qui est sincère envers lui-même qu'il y fasse attention et qu'il cherche au fond de lui-même tant qu'il est vivant afin de ne pas tomber dans cette annulation de l'islam, de même dans les autres. Car lorsque viendra la mort, on ne pourra plus rien regretter. Nous demandons à Allah pour nous et pour tous les musulmans qu'il les préserve de cela. الناقد السادس السيزيام النيلاسون دل الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه يعني كفر celui qui se moque d'une chose de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De la récompense ou du châtiment, kafar, il en est cru. الاستهزاء. الله يسبك إن شاء الله. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Et la preuve est la parole du Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Est-ce d'Allah, ou de ses versets, ou de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Vous avez mécru après avoir eu la foi. C'est les versets 64 et 65 de surat At-Tawbah, de la surat 9. Le verset, il est clair. Hein? Comme quoi, ceux qui se moquent d'Allah ou de son messager ou de quelque chose du dîme, kafar, ils ont mécru. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المفيد كتاب التوحيد الذي لم يؤلف على نمطه مثله ولم يسبق إليه باب من هزل بشيء من ذكر الله من شيء فيه ذكر الله أو القرآن والرسول. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أي فقد كفر. Le cheikh Mohamed Abdouhab, dans son Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme, il a un chapitre sur ce sujet-là, chapitre khas. Dans son Kitab al-Tawhid, ce chapitre, c'est Bab, chapitre, celui qui se moque d'une chose dans laquelle il y a le rappel d'Allah, où il y a le Coran, où il y a le messager, et le commentateur, le cheikh Abdel Hassan, il a dit dans Fath al-Majid, Fakat Kafar, il a mécru, il a rajouté, donc il a mécru. Donc toute personne qui se moque d'Allah ou de son messager, ou même qui dit de la mécréance tout en plaisantant, soi-disant en rigolant, cette personne-là, il a mécru. وسبب نزول الآية كما جاء في كتاب التوحيد أن رجلا في غزوة تبوك قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجلي وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Il rapporte comme quoi des hommes revenaient de la ghazwa de Tabouk, c'est-à-dire ils revenaient du djihad. Et pendant le chemin, l'un d'entre eux a dit, en parlant des Qurra, des gens qui lisaient le Coran, c'est-à-dire du prophète et de ses compagnons, il a dit, nous n'avons pas vu de gens qui ont de plus gros ventre qu'eux, ni plus menteurs, ni plus lâches lorsqu'ils rencontrent l'ennemi. Une personne, lorsqu'il a entendu ça, Aouf ibn Malik, il a dit, tu es un menteur, et tu es un munafiq, un hypocrite, et je vais informer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran l'avait devancé. Le verset, il avait déjà été répandu, descendu de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui a dit cela, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, nous ne faisons que plaisanter, nous ne faisons que jouer, on passait le temps dans le voyage en racontant voilà des bêtises quoi. Et Ibn Omar, il a dit, c'est comme si je le revoyais. Il était accroché à la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continuait avec sa chamelle, et les pierres elles frappaient les pieds de la personne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait que lui dire le verset. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرت بعد إيمانكم. أزد الله de son messager, de ses versets ou de son messager que vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. فقولهم إنما كنا نخوض ونلعب أي إننا لم نقصد حقيقة الاستهزاء وإنما قصدنا الخوض واللعب نقطع به عنا الطريق ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا مع أنهم كانوا من قبل ذلك مؤمنين. Nous faisons que plaisanter, que jouer, ça signifie que quoi? Ils n'avaient pas réellement l'intention de quoi? Ils n'avaient pas l'intention réellement de se moquer du prophète, sallam. Ils faisaient que plaisanter. Et malgré cela, Allah les a kaffar. Allah a fait leur takfir. Allah les a rendus mécréants. D'accord? Par cette parole-là, une simple parole. Le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit dans Kashf al-Shubuhat, dans son livre Kashf al-Shubuhat, à propos de ce verset-là, فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح تبين أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. يدي رحمه الله انتهى كلامه رحمه الله تعالى كشف الشبهات. يديكم كوا Si tu as, il a été établi pour toi que des compagnons qui avaient combattu les Roms avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont mécru par une seule parole qu'ils ont dit en plaisantant et en jouant. Que dire alors d'une personne qui dit la parole de kufr ou qui agit selon la mécréance car il a peur de perdre son argent ou il a peur de perdre sa position, hein, ou pour s'attirer les faveurs d'une personne? C'est bien plus grave qu'une personne qui fait la mécréance en plaisantant. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal, il les a tous rendus mécréants. On le verra à la fin, parce qu'il concerne l'ikrah, la contrainte. Donc quoi, la mécréance, il n'y a pas de maslaha dans le kufr. Il n'y a aucun intérêt à faire le kufr. Ce qui dit, on fait le kufr, hein, pour amener un bien à la communauté, pour construire des mosquées, pour prendre un bien, pour sauvegarder mes droits, pour je sais pas quoi que ce soit, cette personne-là, elle n'a rien compris au dit. Elle n'a rien compris au Coran et à la Sunna. Il a rien compris, il connaît pas son Seigneur, il connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il veut que le din, il soit plus cher pour toi que toute chose. Hein? Il veut que ton tawhid, tu le préserves. Avant toute chose. Donc, ce naqid, cette annulation de l'islam, il est extrêmement important. Il nous indique plusieurs choses. Comme quoi, le fait de se moquer d'Allah, c'est de la mécréance. Ça, c'est la première chose. Et que le fait de quoi? De mécroire en plaisantant, ou de dire une parole de mécréance pour plaisanter, pour rigoler, entre guillemets, ce n'est pas un empêchement du takfir. La personne en fait son takfir. Celui qui dirait pour plaisanter, deux points, ouvrez les guillemets, je suis juif, hein, ça arrive ça. Les gens, ils te disent, ouais, t'as fait ça, non, moi je suis juif, ou quoi que ce soit. Ben, cette personne-là, il a kafa. Là, maintenant, il a mécru. Il meurt dans cet état-là, éternellement en enfer. Ok? Tu lui dis de faire la salat, il dit non, moi je fais pas la salat. Hein, pour plaisanter, pas faire la salat, c'est quoi? C'est du kufr, yakfur, etc., etc. قال الشيخ عبد الرحمن حسن في فتح المجيد وفيه يعني في هذه القصة بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمات يتكلم بها أو عمل يعمل به وأشدها خطرا إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له ويفيد